إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن تفقه المسلم في دينه أمر مطلوب حتى يعبد الله على بصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونذكر في هذه الخطبة شيئا من أحكام الصيام، لأن شهر رمضان قادم. المسلم البالغ العاقل القادر على تحمل الصيام والسالم من كل الموانع المقيم أوجب الله عليه صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام. يقول تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والصغير غير البالغ فإنه لا يطالب به فرضا، ولكنه يرغب فيه حتى يتعود على الصيام. أما فاقد العقل فإنه قد رفع عنه التكليف وعن المجنون حتى يفيق. أما الكبير الذي أعجزه الصيام، أو أنه مصاب بمرض أعجزه عن الصيام، فإن الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا يطعم عنه مسكين كل يوم بمقدار نصف صاع، أي كيلو ونصف تقريبا من الطعام. يقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما المسافر فالله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر سفرا مباحا يجوز له الفطر في رمضان، ويقضي بعد رمضان إذا كان السفر يشق عليه، وإذا كان السفر لا يشق عليه فالأفضل أن يصوم كما ذكر ذلك بعض العلماء. أما المريض فإن كان المرض يسيرا كالصداع أو ألم الضرس وغيرها من الأمراض التي لا تؤثر عليه في الصيام، فإنه يجب عليه أن يصوم. ولكن إذا كان المرض يتعب الصائم ويشق عليه فإنه يجوز له الفطر. وكذلك إذا كان المرض يهدد حياته فالواجب عليه الفطر في رمضان، ويقضي اليوم أو الأيام التي أفطرها. والمرأة المسلمة إذا جاءها الحيض فإنها تفطر ولو كان قبل الغروب بدقائق معدودة، ويجب عليها القضاء للأيام التي أفطرتها. وكذلك الحال بالنسبة للنفساء. وأما الحامل إذا شق عليها الصوم سواء لضعفها أو خوفا على حملها، وكذلك المرضعة إذا ضعفت بسبب الصيام أو خافت على ولدها فإنه يجوز لهما أن يفطرا ويطعمان عن كل يوم مسكينا على الراجح. عباد الله، ومن المفطرات في نهار رمضان من يتعمد الأكل والشرب في نهار رمضان فإن صومه فاسد وعليه القضاء وعليه التوبة. ومن جامع زوجته في نهار رمضان فإن صومه فاسد وعليه القضاء والكفارة المغلظة، لأنه أتى كبيرة من الكبائر. فمن يجامع زوجته في رمضان عالما ذاكرا فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا. ومن المفترات القيء عمدا أو ما يسمى الترجيع، أما إذا خرج بدون عمد فلا يفطر. وأيضا ما يقوم مقام الأكل والشرب كالإبر المغذية فإنها تفطر، وأما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر الصائم، لأنها لا تقوم مقام الأكل والشرب. وكذلك الحجامة أو التبرع بالدم فإنه يفطر الصائم بها، يفطر الصائم بها لأنه يخرج دم كثير وعليه القضاء. وخروج المني منه بشهوة كالعادة السرية المحرمة فإنها تفطر الصائم وعليه القضاء. هذه مفطرات الصوم، ولا يفطر الصائم عند فعل شيء من هذه المفطرات إلا إذا كان عالما ليس جاهلا بالحكم، وذاكرا ليس ناسيا، ومختارا ليس مكرها. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه وصيامه صحيح. وهناك أمور لا تؤثر في الصوم، منها الاحتلام في النوم وإن خرج المني فإنه بغير اختيار النائم، فالصيام صحيح ولا قضاء عليه. وأيضا خروج الدم اليسير من الفم بالسواك أو الأنف أو دم يعني بعد قلع الدرس أو خروج خفيفة فلا تؤثر ذلك في الصوم. وكذلك استعمال قطرة العين والأذن، أما قطرة الأنف فإنها تدخل للحلق وتفطر الصائم، فالواجب تأخيرها عند الإفطار. وكذلك أخذ تحليل دم يسير واستعمال الإبر في العضل لا يؤثر في الصوم، واستعمال السواك لا يؤثر في الصوم. وكذلك المعجون، معجون الأسنان، ولكن لا يدخل منه شيء للحلق. وكذلك العطر والبخور، ولكن لا يتعمد استنشاقه، خاصة البخور فإنه يؤثر في الصوم. وكذلك بخاخ الأكسجين لا يفطر، وإبر الأنسولين لمرض السكر لا تفطر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah et préparez-vous pour votre mois d'adoration qui s'approche, le mois de Ramadan. Et préparez-vous à ce mois en apprenant les règles qui concernent l'application du jeûne. Car il y a plusieurs règles à connaître avant de commencer ce mois béni pour éviter de corrompre ou d'annuler son jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos de celui qui justement cherche la compréhension de sa religion que c'est quelqu'un à qui Allah veut du bien. Puisqu'il a dit quiconque à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et apprendre les règles du jeûne du Ramadan fait partie de la compréhension de la religion. Et donc nous allons mentionner quelques règles qui sont reliées au jeûne du Ramadan. Donc si un musulman a atteint l'âge de la puberté et qu'il a toute sa raison et qu'il est capable de supporter le jeûne, qu'il n'a rien parmi les empêchements qui fait que la personne soit capable de jeûner, par exemple la maladie, et il n'est pas voyageur, c'est un résident, il est chez lui, alors à ce moment-là, c'est obligatoire pour lui de jeûner le mois de Ramadan. Même s'il a des examens, même si c'est une période d'examen, certaines personnes, ils pensent que si tu as des examens à l'école, tu as le droit de manger. Non, même si tu as des examens, tu dois faire ton mois de Ramadan. Et ça fait partie des piliers de l'islam. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Baqarah, ce qui signifie, et quiconque est présent durant ce jeûne, durant ce mois, alors qu'il le jeûne. Tandis que la personne, si c'est un enfant, et qu'elle est trop petite, alors dans ce cas-là, on n'a pas à lui exiger de façon obligatoire à faire le jeûne du Ramadan. Parce qu'ici, il est trop petit, il ne peut pas supporter. Mais par contre, s'il est capable de le faire, hein, ou bien sinon, on peut l'inciter à commencer sans lui imposer cela pour qu'il puisse s'habituer. Mais c'est pas obligatoire. Tandis que la personne, par exemple, qui est déficiente intellectuelle ou qui n'a pas sa raison, alors elle n'est pas responsable de ses actes. Par conséquent, le jeûne n'est pas obligatoire pour elle. En ce qui concerne une personne qui est très âgée et pour qui le jeûne est très difficile, alors étant donné son âge, elle n'est pas obligée dans ce cas-là de faire le jeûne du Ramadan. Et la personne qui a une maladie également, qui est une maladie qui reste avec elle toujours, c'est-à-dire elle n'en guérit pas et qu'elle a une condition qui l'empêche de jeûner, alors cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait au lieu de jeûner? Elle va nourrir un nombre de pauvres pour chaque jour de jeûne manqué. Et la quantité qu'elle doit donner, c'est la moitié d'une sa', ce qui signifie 2 moud, ou équivalent de 1,5 kg de nourriture. Et Allah Azza wa Jal, il nous a rendu la religion facile. Et ça fait partie de la facilité de la religion. De même que le voyageur, celui qui est en voyage, Allah Azza wa Jal l'a excusé de jeûner. Si c'est un voyage qui est très facile ou très léger et qu'il est capable de jeûner, il peut jeûner quand même. Mais si c'est un voyage qui devient un peu lourd et qui lui rend le jeûne difficile, il est excusé dans ce cas-là de devoir jeûner. Et c'est préférable pour lui de prendre cette permission que Allah lui a donnée. De même que la personne qui est malade, si c'est une maladie qui est légère, comme un mal de tête, ou un léger rhume, ou bien un mal de dents, dans ce cas-là, la personne, elle peut jeûner quand même, parce que ça n'a pas d'impact sur son jeûne. Toutefois, si la maladie, elle le fatigue, et que le fait de jeûner, c'est un peu difficile à cause de la maladie, alors dans ce cas-là, c'est préférable pour cette personne de prendre cette permission qu'Allah lui a donnée de ne pas jeûner. Tandis que si le jeûne devient difficile pour elle et ça risque d'empirer sa situation ou de menacer sa vie, alors à ce moment-là, c'est obligatoire pour elle de briser le jeûne et de ne pas jeûner. En ce qui concerne la femme qui a ses périodes de menstrues, eh bien, elle n'a pas le droit de jeûner. Et même si sa période de menstrues commence quelques minutes avant le maghreb, eh bien, à partir de ce moment-là, elle devra reprendre la journée entière. Et la même chose pour la dame qui a accouché et qui a eu des écoulements pendant les 40 jours qui suivent. Alors, à ce moment-là, elle n'a pas le droit de jeûner non plus. En ce qui concerne la femme qui est enceinte et qui a peur pour elle-même ou pour son bébé, alors dans ce cas-là, elle est excusée de jeûne. De même que la femme qui allait et qui craint pour elle-même d'être faible ou pour son bébé, de ne pas avoir suffisamment de lait en jeûnant, alors elle est excusée elle aussi de jeûner. Et elle peut remplacer le jeûne par le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, selon l'opinion la plus correcte des ulama à ce sujet. En ce qui concerne les choses qui annulent le jeûne pendant le mois de Ramadan, bien entendu le fait de manger et de boire volontairement et intentionnellement et avec connaissance, alors ça c'est considéré comme un grand péché parmi les grands péchés. Et celui qui le fait, ce jeûne-là qu'il a fait ce jour-là, s'il a mangé pendant la journée, son jour est corrompu, c'est-à-dire le jour de jeûne, il n'est pas valide. Et il devra le reprendre. Et il doit se repentir d'avoir mangé ce jour-là ou bu. Et la repentance, bien entendu, ça implique que la personne a des regrets, qu'elle cesse de faire le péché et qu'elle a la ferme détermination de ne plus jamais le refaire. Ça, c'est la repentance pour celui qui mange ou qui boit pendant le Ramadan. Tandis que l'homme qui a un rapport intime avec sa femme pendant le Ramadan, pendant la journée, avec connaissance et intentionnellement, alors celui-là, non seulement son jour de jeûne n'est pas valide, il devra le reprendre, mais en plus, il doit faire une expiation, une compensation qu'il doit payer, ou une expiation qu'il doit payer pour réparer son erreur. Et la compensation ou l'expiation consiste soit à libérer un esclave. S'il n'a pas d'esclave, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Et s'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, il doit nourrir 60 pauvres, vêtir 60 pauvres. Pardon, nourrir, et non pas vêtir. Il doit nourrir 60 pauvres. Et'amu sittina miskina. Parmi les choses également qui peuvent annuler le jeûne d'une personne, il y a le fait de se faire vomir intentionnellement. Celui qui se fait vomir intentionnellement, ça annule sa journée de jeûne s'il le fait. Tandis que s'il vomit sans que ce soit intentionnel, alors ça c'est pas de sa faute. Alors le jeûne est toujours valide à ce moment-là. Si par exemple quelqu'un il se fait nourrir par saluté, par voie intraveineuse, ça annule le jeûne du Ramadan. Toutefois, s'il reçoit une piqûre et que ça ne le nourrit pas, c'est pas pour le nourrir, il n'y a pas de nourriture dedans, alors dans ce cas-là, ça n'annule pas son jeûne. Tandis que la hijama et le fait de faire des dons de sang, ça aussi, ça annule le jeûne. Parce que c'est une grande quantité de sang qui sort. De même que le fait de pratiquer la masturbation pendant le jour du Ramadan, ça annule le jeûne du Ramadan. Et la personne qui a fait ça, en plus d'avoir commis le péché, eh bien, elle doit reprendre le jour manqué et se repentir. De même que parmi les choses qui annulent le jeûne, si elle fait ces choses-là et qu'elle le fait avec, elle le fait volontairement, Elle connaît le jugement et elle n'a pas été contrainte. Elle n'a pas oublié. Alors dans ce cas-là, c'est un péché. Ça annule le jeûne. Mais si par contre la personne, elle a fait ça, mais en oubliant, supposons quelqu'un, il mange quelque chose ou il boit quelque chose et il a oublié que c'était le ramadan, puis tout d'un coup il se rappelle, ah, je suis en train de jeûner, alors son jeûne, il est toujours valide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne ça dans le hadith. Celui qui mange ou qui boit par oubli et qui se rappelle, alors son jeûne, qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. De même que la personne qui a fait par contrainte, on l'a forcé, hein, on l'a menacé, on l'a forcé de manger, hein, alors dans ce cas-là, son jeûne est toujours valide. Supposons que quelqu'un il est dans un pays où les gens ils aiment pas les musulmans et quelqu'un le prend avec une arme et il le menace que s'il mange pas, il le tue. Et là, toi, dans ce cas-là, tu es forcé à manger. Alors tu manges, pas parce que tu veux, mais parce qu'on t'a forcé. On t'a menacé avec une arme. Alors dans ce cas-là, ton jeûne il sera toujours valide, même si tu as mangé. Parce que ça, c'est la contrainte. Également, si quelqu'un, par exemple, il dort, pendant son sommeil, il a un rêve érotique. Il voit des choses qui l'excitent. Il a une éjaculation pendant son rêve. Alors son jeûne, il est toujours valide, même si c'était en plein jour. Parce qu'il n'a pas fait ça volontairement. Et c'est quelque chose qui se passe alors qu'il dort. Et lorsqu'on dort, on n'est pas responsable de ce qui se passe. Donc il n'a rien à reprendre dans ce cas-là. Si c'est une petite quantité de sang qui peut sortir quand on a arraché une dent, ou bien, par exemple, lorsqu'on a passé le siwak, un petit peu de sang qui sort dans notre bouche, alors dans ce cas-là, ça n'annule pas le jeûne. Si c'est des gouttes qu'on met dans les yeux ou dans les oreilles, ça n'annule pas le jeûne non plus. Tandis que les gouttes qu'on met dans le nez, ou un spray qu'on met dans le nez, un vaporisateur, oui, ça annule le jeûne parce que ça descend par la suite dans la gorge, par le nez. De même que si quelqu'un fait une prise de sang, hein, c'est une petite quantité de sang, ça n'annule pas le jeûne. De même que lorsque quelqu'un prend une piqûre dans le muscle, comme un vaccin par exemple, ça va pas annuler le jeûne non plus. Si quelqu'un doit prendre de l'oxygène pour respirer, ça n'annule pas le jeûne. De même que s'il doit se piquer pour l'insuline, s'il a du diabète, ça n'annule pas non plus le jeûne. Et donc ça, c'est parmi les règles les plus importantes à se souvenir par rapport à notre jeûne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم